السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن تبع هداه بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، قال المؤلف شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى: باب ما جاء في منكر القدر. شابتر 59 concernant ceux qui renient le destin. باب ما جاء في منكر القدر أي من الوعيد الشديد. Donc concernant ceux qui renient le destin, c'est-à-dire comme texte nous montrant la gravité de leur action et la grande menace qui leur est adressée. Le qadar Allah subhanahu wa ta'ala, taqdir Allah lil kainat. Al qadar, c'est qu'Allah tabaraka wa ta'ala a décrété toute chose qui est amené à se réaliser ou qui se réalisera. Allah subhanahu wa ta'ala bi kulli shay'in 'alim fa'alun lima yurid ma sha'a Allah kan wa ma lam yasha lam yakun fa rabbu kulli shay' wa khaliqu kulli shay' ولا يقع في ملكه ما لا يريد. Allah subhanahu wa ta'ala a su toutes choses. Il est savant, omniscient de toutes choses. Il a donc ordonné à la plume d'écrire, comme on lira le hadith inshallah ta'ala. Toute chose a été inscrite fil lawh al mahfouz, dans les tablettes préservées. Ce qu'Allah tabaraka wa ta'ala veut se réalise. Lorsqu'Allah azza wa jalla veut que la chose se réalise, elle se réalise. Il ne se passe pas dans son royaume ce qu'il ne veut pas. Le quatrième point du destin est de reconnaître qu'Allah tabaraka wa ta'ala est le créateur de toutes choses. Allah nous a créé nous et nos actions. Donc, maratibul qadar arba. Les étapes du destin sont nombre de quatre. Donc, on va avoir foi en ces quatre choses afin de concrétiser la foi au destin. Premièrement, ilmullah bi kulli shay. Premièrement, savoir qu'Allah est savant de toutes choses. Il connaît tout sans exception. Le concernant lui, tabaraka wa ta'ala, ou ses créatures. Wa huwa bi kulli shay'in 'alim. Il connaît les choses de manière générale, les choses de manière détaillée. Il connaît tout sans exception. Deuxièmement, al-kitaba fi al-lawh al-mahfouz. Allah tabaraka wa ta'ala sait tout et à tous. Tout a été inscrit. C'est le deuxième point. Tout a été inscrit dans un livre qu'on appelle al-lawh al-mahfouz. Inna dhalika fi kitab. Le troisième point, mashi'atullah. La volonté d'Allah tabaraka wa ta'ala. Tout ce qui se passe par la volonté d'Allah, jalla wa ala. Ce qu'il veut se réalise et ce qu'il ne veut pas ne se réalise pas. Le dernier point, al-khalq. le fait d'avoir comme croyance qu'Allah tabaraka wa ta'ala est le créateur de toutes choses, qu'il nous a créé nous et nos actions. Wallahu khalaqakum wa ma ta'malu. Allah vous a créé vous et ce que vous faites. Allah subhanahu wa ta'ala a uni entre les deux premiers points, dans plusieurs endroits du Coran. Il nous dit: Alam ta'alam anna allaha ya'lamu ma fi s-sama'i wal-ard, inna dhalika fi kitab. Ne sais-tu pas qu'Allah sait ce qu'il y a dans les cieux et la terre? Ceci est dans un livre. Donc dans ce verset, il y a al-ilm wal-kitab. Il y a la science et l'écriture. Concernant le mashi'ah, la volonté, Allah subhanahu wa ta'ala nous dit: وَمَا تَشَاءُونَ إِلَّا أَنْ يَشَاءَ اللَّهُ رَبُّ الْعَالَمِينَ. À la fin de sourate At-Takwir, et vous ne pouvez vouloir sans qu'Allah ne le veuille, Allah le Seigneur des mondes. On a affirmé ici la volonté d'Allah tabaraka wa ta'ala qui prévaut sur toute chose. وَلَوْ شَاءَ رَبُّكَ مَا فَعَلُوا. En sourate Al-An'am, Allah tabaraka wa ta'ala nous dit: si Allah avait voulu, il ne l'aurait pas fait. Donc la volonté d'Allah azza wa jal prévaut sur toute chose. Le quatrième point, Al-Khalq. Tout ce qu'il y a est créé par Allah tabaraka wa ta'ala. Tout ce qu'il y a dans la création est créé par Allah subhanahu wa ta'ala. Allahu khaliqu kulli shay. En sourate Az-Zumar, Allah nous dit: Allah est le créateur de toutes choses. Et le poète a réuni ces quatre points en ces vers: ilmun kitabatu maulana mashi'atu wa khalquhu wa huwa ijadun wa takwinu. Munasabatu al-bab li kitab at-tawhid. L'auteur rahimahullah ta'ala a cité ce chapitre dans son livre Kitab at-tawhid. Lianna tawhid ar-rububiyya la yatimmu illa bil iman bil qadar. إلا بإثبات القدر. وفي هذا الباب أراد المصنف رحمه الله تعالى أيضا الرد على القدرية. L'auteur a cité ce chapitre dans son livre Kitab al-Tawhid, car l'unicité dans la seigneurie d'Allah tabaraka wa ta'ala ne peut se concrétiser par le serviteur tant qu'il n'aura pas eu foi, ou bien si ce n'est en ayant foi au destin. Allah Azza wa Jal sait tout, et tout a été inscrit, que ce qu'il veut se réalise, et ce qu'il ne veut pas ne se réalise pas. Et qu'il est notre créateur et le seul gérant. Aussi, ce chapitre a été mis dans ce livre afin de réfuter ceux qui ont parler dans le faux concernant le destin, et ceux qui ont renié le destin ou des parties du destin. Donc comme je l'ai cité, les ulama disent qu'il y a quatre points à concrétiser concernant le qadar: al-ilm, al-kitaba, al-mashi'a, wal-khalq. La science, l'écriture, la volonté et la création. Et il n'y a pas de contradiction entre le fait d'affirmer qu'Allah tabaraka wa ta'ala a une volonté suprême et le fait d'affirmer que le serviteur a le libre arbitre. Il n'y a pas de contradiction entre ceux. Si ce n'est que la volonté d'Allah tabaraka wa ta'ala prévaut sur toute chose. Si ce n'est que la volonté d'Allah tabaraka wa ta'ala prévaut sur toute chose et que la volonté de la créature vient après et suit la volonté d'Allah subhanahu wa ta'ala. C'est pour cela qu'Allah a uni entre ces deux volontés dans le Coran en disant wa ma tasha'una illa an yasha Allahu rabbul alamin. Et vous ne pouvez vouloir sans qu'Allah ne le veuille. Allah, le Seigneur des mondes, dans ce verset, on a affirmé une volonté pour le serviteur, on a aussi affirmé une volonté pour le Seigneur. Donc celui qui a parlé de par le Coran, Allah subhanahu wa ta'ala, est celui qui nous a informé que le serviteur avait aussi une volonté. Il a le libre arbitre. Il a le libre arbitre. Donc s'il désobéit Allah tabaraka wa ta'ala, ces gars, il peut mériter un châtiment. Il peut mériter un châtiment. Et s'il fait du bien, grâce à Allah subhanahu wa ta'ala, alors on le rétribue. Alors on le rétribue. Udkhulul jannah bima kuntum ta'malun. Allah nous dit entrez au paradis pour ce que vous faisiez. Donc c'est, on le rétribue car il avait un libre arbitre. Naam. Et ceux qui seront châtiés car ils avaient le libre arbitre. Naam. Celui qui dit qu'Allah Azza wa Jalla n'a pas de volonté ou bien que le serviteur n'a pas de volonté, soit il dit qu'Allah tabaraka wa ta'ala est injuste car il peut châtier le serviteur alors qu'il n'avait pas de volonté lorsqu'il a fait ses péchés. Naam. Soit il dit que fi sharia, dans la législation d'Allah Azza wa Jalla, il y a des imperfections. Et tout cela est aucunement acceptable. Allah subhanahu wa ta'ala nous dit, donc avant le verset que j'ai cité de Surat al-Takwir, liman sha'a minkum an yastaqim. Celui qui parmi vous le veut, observe la droiture. Puis Allah nous dit wa ma tasha'una, et vous ne pouvez vouloir illa an yasha Allah. Allahu rabbul alamin. Sans qu'Allah ne le veuille, Allah le Seigneur de nous. Donc on nous cite de manière claire que le serviteur a une volonté. Mais elle suit la volonté suprême, celle d'Allah tabaraka wa ta'ala. Wa khalafa ahlu sunnah firqatan. Et il y a deux groupes égarés qui ont contredit la voie du Coran et la Sunna. Al-Qadariya, Nufat, ou Al-Jabriya. Al-Qadariya, ceux qui ont renié le destin, Al-Qadariya, ceux qui ont renié le destin, et Al-Jabriya, et ceux qui disent que le serviteur est contraint, il n'a pas de libre arbitre. Il est contraint. Donc premièrement, Al-Jabriya, ce qui les représente Al-Jahmiya, mais ce qui les représente Al-Jahmiya, Al-Jabriya ont affirmé la volonté d'Allah, mais ont tellement exagéré dans la volonté d'Allah, dans l'affirmation qu'Allah a la volonté, qu'ils ont retiré au serviteur sa volonté. Voilà. Ils ont dit qu'Allah Azza wa Jal a une volonté suprême et ainsi de suite. Naam. Mais ils ont tellement exagéré dans cela qu'ils sont arrivés au point où ils ont dit que le serviteur n'a aucune volonté. Ils sont arrivés au point où ils ont dit que le serviteur n'a aucune volonté, mais qu'il était plutôt semblable à une feuille dans le vent. Naam. Que ses actions sont faites involontairement. Tels tes battements du cœur. Ça se réalise, mais c'est pas toi qui gères cela. Ben, ils ont dit que le serviteur était semblable. Celui qui fait en vrai, c'est Allah. Seulement Allah, seul Allah a une volonté. Quant au serviteur, il est tel une feuille au vent. Il n'a pas de volonté, il n'a pas de libre arbitre. Il n'a pas de volonté et il n'a pas de libre arbitre. Donc ils ont pris une partie des textes et ils ont exagéré dans ces textes et ont délaissé l'autre partie. Donc lorsqu'il boit, lorsqu'il mange, lorsqu'il marche, lorsqu'il obéit à Allah, lorsqu'il désobéit à Allah, tout cela, c'est pas lui qui le fait. Pour eux, c'est Allah. Subhanallah. Pour eux, c'est Allah. Tabaraka wa ta'ala, subhanahu wa ta'ala. Donc, pour eux, le serviteur n'a pas de force et n'a pas de libre arbitre ni de volonté. N'a pas de force, ni de libre arbitre, ni de volonté. Et en dessous de Al-Jahmiyyah, il y a Al-Asha'ira. Il y a Al-Asha'ira, qui n'ont pas atteint le même niveau d'égarement qu'Al-Jahmiyyah, mais qui se sont également égarés dans ce chapitre. Ils ne sont pas min Ahl Sunnah. Le deuxième groupe, Al-Qadariyya, qui sont représentés par Al-Mu'tazila. Al-Mu'tazila, comme caractéristique principale, ils affirment les noms d'Allah Azza wa Jal et renient les attributs. Lorsque nous disons Al-Qadariyya, c'est un wasf salbi. C'est-à-dire littéralement les gens du destin. Mais en réalité, c'est ceux qui ont renié le destin. Non. Lorsqu'on dit Al-Qadariyya, c'est-à-dire ceux qui ont renié le destin. Eux ont fait le contraire. Athbatu lil'abdi mashi'atan wa ghalaw fiha. Ils ont affirmé pour le serviteur une volonté, une force, une capacité, et ont exagéré dans cela, au point de dire que la volonté d'Allah n'affecte aucunement les actions du serviteur. Donc pour eux, Allah n'a aucune volonté et aucun effet sur les agissements du serviteur. C'est le serviteur lui-même qui fait, de par sa force, indépendamment de la volonté d'Allah. Il fait et il crée ses propres actions. Ils ne disent pas que c'est Allah qui nous crée nos actions. Non, ils disent que chacun d'entre nous crée nos actions. Donc c'est comme s'ils avaient affirmé un nombre de créateurs semblable au nombre des personnes. Alors que nous disons, comme Allah dit dans le Coran, « Allahu khaliqu kulli shay » Allah est le créateur de toutes choses. « Wallahu khalaqakum wa ma ta'amalun » Allah vous a créé vous et vos actions. Pour mieux comprendre le fait qu'Allah Azza wa Jalla nous a créé nous, ça c'est évident pour tout le monde. Qu'il a créé nos actions, ce que nous faisons également est créé. Pour mieux comprendre, avec quelle chose nous faisons. Al-Qudra wal-Irada. Avec la volonté et avec la force, la capacité. Pour faire une action, tu as besoin de deux choses. Vouloir cette chose, être déterminé à la faire, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est quoi? C'est la capacité, la force. Naam, vous me suivez? Pour faire une action, si tu ne la veux pas, tu ne la fais pas. Et si tu n'as pas la capacité, tu ne peux également la faire. Tu ne peux la faire non plus. Ou tu ne peux pas non plus. Comment est-ce qu'on dit? Tu ne peux pas la faire. Point. Naam. Taïr. Qui est-ce qui t'as créé cette irada, cette volonté? Non? Allah. D'accord? La force, la capacité que tu as, qu'est-ce qui te l'a créé également? Allah. Donc tu fais avec cette volonté, cette force, qu'est-ce qui te les a créés? Allah subhanahu wa ta'ala. Donc cette action qui en découle est pareillement créée. C'est clair ou pas? Sans la volonté et sans la capacité ou la force, tu ne peux agir. Qu'est-ce qui t'a créé ces choses-là? C'est Allah subhanahu wa ta'ala, ton action est donc créée. Par un moment, Allah subhanahu wa ta'ala crée les choses directement, comme Adam alayhi salam, naam, comme Al-Jannah, comme Al-Nar. Et par un moment, il fait qu'il y a des causes desquelles vont sortir la création. Comme chacun d'entre nous qui sommes nés d'un homme et d'une femme, d'un père et d'une mère. Naam. Ben, nos actions sont créées de nous. C'est vrai? De par notre volonté et de par notre force, notre capacité. Tout comme l'enfant qui est créé, ce n'est pas ses parents qui l'ont créé. Pourtant, ce sont la cause, sahih. Pourtant, ils sont la cause. C'est Allah Azza wa Jal qui a créé cet enfant. Et les parents sont une cause. De la même façon, c'est Allah qui a créé nos actions. Hein? Et il a mis comme cause deux autres choses créées qui sont la volonté et mada, la capacité, la force. Ça, c'est pour mieux comprendre cette mas'ala. Cela a été expliqué ainsi par certains savants. Ils ont plusieurs ambiguïtés qui les a fait tomber dans cela. Une de leurs ambiguïtés est qu'ils n'ont pas fait la distinction entre l'irada al-kawniya et l'irada al-shar'iyya. Qu'est-ce qui nous rappelle la différence entre la volonté universelle et la volonté religieuse? Non. La volonté religieuse, c'est tout ce qu'Allah aime. Non. La volonté universelle, c'est tout ce qui se réalise. Cela peut être aimé, cela peut ne pas être aimé. Non. Une deuxième différence qu'on avait citée entre la volonté universelle et la volonté religieuse. Endamen. Tafadhal. الإرادة الكونية لابد أن تقع والشرعية قد تقع وقد لا تقع. La volonté universelle se réalise inéluctablement. Quant à la volonté religieuse, elle peut se réaliser, elle peut ne pas se réaliser. Voilà. Donc vous qui avez compris cela, ya ahl as-sunnah, ces gens-là ne l'ont pas compris. Donc pour eux, tout ce qui se passe, c'est qu'Allah. Si ça se passe, c'est qu'Allah l'aime. Ils n'ont pas fait la différence entre la distinction entre la volonté universelle et la volonté religieuse. Donc ils ont dit, si ça se passe, c'est qu'Allah l'a aimé. Naam. Si ça se passe, c'est qu'Allah l'a aimé. Alors que cela est faux. Naam. Si Allah l'a légiféré, c'est qu'Allah l'a aimé. Naam. Si Allah l'a légiféré, oui, c'est qu'il l'a aimer. Ouais, on ne va pas s'attarder sur ce point ni trop le détailler à notre niveau. On laissera cela dans un livre de Aqid. Allah tabaraka wa ta'ala a décrété toute chose. Donc le bien qui se réalise, le mal qui se réalise, tout cela est créé par Allah tabaraka wa ta'ala. Et certains ont une ambiguïté sur ce point-là. Donc ce qui est bien, il n'y a pas d'ambiguïté. Allah azza wa jal décrète, et tout ce qu'il décrète, c'est avec science et sagesse. Néanmoins, la sagesse dans le bien est évidente, mais la sagesse dans le mal, qu'il peut y avoir dans certaines créatures, dans les péchés, dans Shaitan, et ainsi de suite, elle n'apparaît pas à tout le monde. Pourquoi? Car ce mal-là, غير مراد لذاته, car ce mal-là n'est pas voulu en soi, mais pour la sagesse et le bien qui en découle. Est-ce que c'est compris? Shaitan, c'est un bien ou c'est un mal? C'est un mal. D'accord. Allah Azza wa Jal, يفرح بتوبات العبد. Allah se réjouit du repentir du serviteur. Qu'est-ce qui pousse le serviteur à faire le péché? C'est le shaitan. Le serviteur fait un péché, c'est un bien ou c'est un mal? C'est un mal. Le shaitan, c'est un mal. Mais le repentir qui en découle, qui vient après, ça c'est un bien. Naam. Donc, de ce point de vue-là, le décret d'Allah est que du bien. C'est wadah. Le mal, on ne l'associe pas à Allah Azza wa Jalla. Le mal, il est dans la chose. Il est fil maf'oul. Quant à Allah subhanahu wa ta'ala, al-sharru laysa ilayk. On dit que le mal ne l'atteint pas. Allah azza wa jal ne décrète pas un mal absolu, pur. Tout ce qu'il fait, c'est du bien. Sans exception. Même si toi, tu ne comprends pas cette sagesse. Derrière cette chose qui à la base est un mal, sache qu'elle a été faite et décrétée pour un bien qui en découle. Tu peux connaître la sagesse, tout comme tu peux l'ignorer. Ainsi, tout ce qu'Allah fait, c'est du bien. Voilà. Il ne nous est pas permis de penser qu'Allah Azza wa Jal fait un mal. Tout ce qu'Allah fait, il le fait avec sens et sagesse. Et tout ce qu'il fait, c'est du bien. Et le mal, dans le décret, il est où? Est-ce qu'il est dans le décret en lui-même ou dans la chose décrétée? La chose, elle. Dans la chose, dans le serviteur, dans le péché, et ainsi de suite. Quant au décret d'Allah Azza wa Jal, lui, il n'est que bien. Il n'est que bon. Naam. Ibn al-Qayyim rahimahullah ta'ala dit: إنني نظرت في أدلة القدر ورد على القدرية المجوسية فوجدتها تزيد على 500 دليل. Ibn al-Qayyim dit: j'ai regardé dans les textes ceux qui affirmaient le destin et réfutaient ceux qui ont rejeté le destin. Et j'ai vu qu'il y avait plus de 500 preuves. Et j'ai vu qu'il y avait plus de 500 preuves pour cela. قال المؤلف رحمه الله تعالى وقال ابن عمر رضي الله عنهما والذي نفس عبدي عفوا والذي نفس ابن عمر بيده لو كان لأحدهم مثل أحد ذهبا ثم أنفقه في سبيل الله ما قبله الله منه حتى يؤمن بالقدر ثم استدل بقول النبي صلى الله عليه وسلم الإيمان أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وتؤمن بالقدر خيره وشره رواه مسلم. Ibn Omar a dit: par celui qui détient l'âme d'Ibn Omar entre ses mains, si l'un d'entre eux détenait l'équivalent de la montagne de Uhud en or et qu'il le dépensait dans le sentier d'Allah, Allah ne l'accepterait pas de lui jusqu'à ce qu'il croit au destin. Ensuite, Ibn Omar a prouvé ce qu'il a dit en citant la parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam: la foi est de croire en Allah, ses anges, ses livres, ses messagers au jour dernier et de croire au destin bon et mauvais. Rapporté par Muslim. هذا بعض حديث عند مسلم. Voici une partie d'un hadith, du premier hadith de Sahih Muslim. Hadith qui est connu sous quel nom? Hadith Jibril alayhi salam. Comme on le voit dans l'Arba'in Nawawiyya, le deuxième hadith de l'Arba'in Nawawiyya. Et la partie qu'on a mémorisée, c'est Shahid. En vrai, l'histoire est bien plus longue que cela. L'histoire est bien plus longue que cela. Vous revenez à Sahih Muslim. Et l'Allama, Abdul Muhsin al-Badr, Hafidhahullah Ta'ala, le grand savant de Médine, a expliqué ce hadith entièrement dans un livre. Donc Yahya ibn Ya'mar, et avec lui Ibn Abdurrahman al-Himyari, sont venus faire la Umrah ou bien le pèlerinage et espéraient par la même occasion rencontrer un compagnon du prophète sallallahu alayhi wa sallam afin de l'interroger sur la bid'a qui est née fil Irak, en Irak, fil Basra, fil Qadar. L'innovation sur le Qadar, c'est que des gens disaient inna al-amra unu fa'i musta'naf, que Allah ne sait pas les choses si ce n'est après qu'elles se réalisent. Donc ils ont renié quel point du destin? La science, le premier point. Celui qui renie ça, il sort de l'islam. Celui qui dit qu'Allah ne sait pas, هذا مكذب لله ولرسوله صلى الله عليه وسلم. Donc ces gens-là, lorsqu'ils ont entendu ça, التابعو, et qu'ils ont fait le hajj ou l'umra, ils espéraient rencontrer un sahabi pour le questionner sur cette nouveauté qu'ils entendaient à Bassora. Allah Azza wa Jalla leur a facilité Abdullah ibn Omar. Allah Azza wa Jalla leur a facilité Abdullah ibn Omar. Et ils lui ont raconté ce qui se disait fil Basra. Alors Abdullah ibn Omar radiallahu anhu leur a dit cette parole: par celui qui détient l'âme d'Ibn Omar dans sa main. Si l'un d'entre eux, c'est-à-dire des gens qui disent qu'Allah ne sait pas, si ce n'est après que les choses se réalisent, les gens qui renient le destin, si l'un d'entre eux détenait l'équivalent de la montagne de Uhud en or, et qu'il dépensait dans le sentier d'Allah, Allah ne l'accepterait pas de lui. Jusqu'à ce qu'il croit au destin. Jusqu'à ce qu'il croit au destin. Pourquoi cela ? لأن منكر القدر ليس بمؤمن فقد أنكر ركنا من أركان الإسلام ومن أنكر ركنا من أنكار من أركان الإيمان فقد أنكرها جميعا قد كفر بالله العظيم. Pourquoi est-ce que Abdullah ibn Omar nous dit que si ces gens-là dépensaient l'équivalent de la montagne de Uhud en or, Allah n'accepterait pas cela d'eux? Car renier un pilier de la foi, donc croire au destin, c'est le sixième pilier de la foi. Renier un pilier de la foi équivaut à renier tous les piliers de la foi. Revient à renier tous les piliers de la foi. Et celui qui renie un pilier de la foi, il n'est pas mu'min. Il n'est pas croyant, il est donc mécréant. Est-ce qu'Allah Azza wa Jalla accepte du mécréant en action? Oui ou non? Non. Car la première condition de l'acceptation des actes, c'est quoi? Al-Ikhlas, al-Islam, al-Tawhid. Et ça, c'est la parole de Ma'bad al-Juhani, celui qui a ramené cette parole. وجه الاستدلال أن النبي صلى الله عليه وسلم عد الإيمان بالقدر من أركان الإيمان فمن أنكره كفر. Donc l'auteur a cité ce athar d'Ibn Omar avec le hadith sous ce chapitre, car on y voit clairement que le prophète صلى الله عليه وسلم a cité parmi les piliers de la foi au destin. Donc celui qui renie cela aura perdu la foi. Donc lorsque cette parole, cette innovation est parvenue à Abdullah ibn Omar radiallahu anhu, il l'a réfuté. Il l'a réfuté, puis a cité comme preuve la parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam, qui montre que parmi les piliers de la foi, il y a la foi au destin. Et celui qui renie un pilier de la foi aura renié l'ensemble. Munasabatul athari lil-bab, bayan hukmi munkir al-qadar. L'auteur donc nous a cité ici ce texte, car on y voit le jugement de celui qui renie le destin. Abdullah ibn Omar nous montre clairement ici que ces gens-là sont des koufars. Celui qui dit qu'il n'y a pas de destin, celui qui dit qu'Allah ne sait pas les choses si ce n'est après qu'elles se réalisent, ça c'est du koufr. Et cette secte a disparu. Il n'y a plus parmi ceux qui s'affilient à l'islam de gens qui disent que Allah ne sait pas les choses si ce n'est après la maza, après que ça se réalise. Mais il y a des gens de cette secte, mais pas à ce niveau-là. Pas à ce niveau-là. نستفيد من هذا الأثر نتيغ دو سو تكست أن إنكار القدر كفر que de renier le destin, le fait de dire qu'il n'y a pas de destin, le fait de dire qu'Allah Azza wa Jal ne sait pas les choses avant qu'elles se réalisent, a pour jugement la mécréance et أذن بالله. الإيمان شرط في قبول العمل. نتيغ دو سو تكست que la foi est une condition pour que nos actes soient acceptés chez Allah tabaraka wa ta'ala. Al-istidlal 'ala al-ahkam min al-kitab wa sunnah. Le fait d'utiliser pour argumenter ce qu'on avance, particulièrement les règles religieuses, le Coran et la sunnah. Abdullah ibn Omar, lorsqu'il a exposé ici la vérité et qu'il a réfuté le faux, immédiatement, qu'est-ce qu'il a utilisé pour cette grande question religieuse ayant attrait à la croyance? La parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam. La parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam. C'est la voie dans la sunna. Lorsqu'il dit une chose dans l'aqidah, dans l'ahkam et ainsi de suite, il dit cela car Allah l'a dit en Coran, car le prophète sallallahu alayhi wa sallam l'a dit dans la sunna. Contrairement à al-mutakallimun, ahl al-kalam, eux, Ils utilisent l'aql avant même les textes. Ils contredisent les textes avec leur raison. Naam, avec leur raison malade. وعن عمالة بن صامت أنه قال لابنه يا بني إنك لن تجد طعم الإيمان حتى تعلم أن ما أصابك لم يكن ليخطئك وما أخطأك لم يكن ليصيبك سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن أول ما خلق الله القلم فقال له اكتب فقال ربي ماذا أكتب قال اكتب مقادر كل شيء حتى تقوم الساعة يا بني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من مات على غير هذا فليس مني وفي رواية لأحمد إن أول ما خلق الله تعالى القلم فقال له اكتب فجزى أو عفوا فجرى في تلك الساعة بما هو كائن إلى يوم القيامة وفي رواية لابن وهب قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فمن لم يؤمن بالقدر خيره وشره أحرقه الله بالنار عبادة بن صامت رضي الله عنه dit un jour à son fils se nomme Al-Walid. Al-Walid ibn Ubadata, ولد في عهد النبي صلى الله عليه وسلم ومن كبار التابعين. Le fils de Ubada se nomme Al-Walid. Il est né du temps du prophète صلى الله عليه وسلم. Il fait partie des grands parmi التابعون. Il est mort en l'an 70. يا بني إنك لن تجد طعم الإيمان حتى تؤمن حتى تعلم أن ما أصابك لم يكن ليخطئك وما أخطأك لم يكن ليصيبك. Ô mon fils, tu ne trouveras pas la saveur de la foi jusqu'à ce que tu saches que ce qui t'arrive ne peut t'éviter et que ce qui ne doit pas t'atteindre ne peut t'arriver. Ça, c'est un grand point dans l'iman bil qadar. C'est un grand point dans l'iman bil qadar. Tu dois savoir que ce qu'Allah veut se réalise, ce qu'il ne veut pas ne se réalise pas. Donc, la personne ne goûtera pas au délice de la foi. De cela, on tire que l'iman lahu ta'am, la foi a un goût que connaît celui qui l'a goûté. Et parmi les causes qui amènent le serviteur à avoir ce goût, l'iman bil qadar, le fait d'avoir foi au destin. Celui qui a la certitude que tout ce qui l'a touché ne pouvait l'éviter, et que tout ce qu'il n'a pas pu atteindre, il ne pouvait l'atteindre, yatma'in, il obtiendra la quiétude, la sérénité, la tranquillité. Il ne s'attristera pas pour ce qu'il n'a pas réussi à avoir, ni pour ce qu'il a touché comme malheur, car il sait que ça ne pouvait pas l'éviter. Celui qui vit ainsi, il est murtah, da'ina, il est toujours mutma'in. Sa poitrine est toujours élargie, son cœur apaisé et sa foi préservée. Il sait que tout ce qui se passe est par la volonté d'Allah tabarak wa ta'ala. Tu as tout fait pour avoir tel poste, tu ne l'as pas eu, c'est qu'il ne t'avait pas été écrit. Alors tu es tranquille. Tu sais que c'est Allah qui décide de tout. Donc tu ne t'occupes plus de cette affaire-là, tu continues. Tu fais les causes et tu abandonnes ton affaire à Allah tabarak wa ta'ala. Tu as été touché par tel malheur. Tu ne dis pas si je n'étais pas sorti aujourd'hui, si kaza, si j'avais fait, si j'avais dit. Non. Tu sais que quoi qu'il en soit, cette chose était écrite. Donc, inéluctable. À partir de là, ta poitrine s'apaise. Ton cœur se tranquillise. Ta poitrine s'apaise, ton cœur se tranquillise. Car c'était inévitable. Voici comment vit le croyant. Toujours apaisé par le destin d'Allah tabaraka wa ta'ala. Contrairement aux munafiqs ou aux kafirs qui remettent sans cesse en cause le décret. qui remettent sans cesse en cause le décret d'Allah tabaraka wa ta'ala. Lorsqu'ils sont touchés par un bien, ils s'en vantent, s'étonnent de leur propre personne, s'enorgueillissent. Et lorsqu'ils sont touchés par un mal, ils se plaignent et se révoltent contre le décret. Alors que le croyant, lorsqu'il est touché par un, lorsqu'il l'obtient bien, il sait que c'est grâce à Allah. Alors il remercie Allah Azza wa Jalla. Et lorsqu'il est touché par un malheur, il sait que c'est par le décret d'Allah tabaraka wa ta'ala, donc il endure. Fa'ajaban li amri al-mu'minin la amra kullahu khayr. C'est pour ça que l'affaire du croyant tout entière est étonnante. Tout ce qui le touche pour lui, c'est un bien. Puis, il a dit à son fils qu'il a entendu le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam dire: au tout début, Allah a créé la plume. Ou bien lorsqu'Allah a créé la plume, au tout début, il lui ordonna d'écrire. Elle a dit: ô mon Seigneur, mon Seigneur, que dois-je écrire? Il lui dit: écris la prédestination de tout ce qui, de toute chose jusqu'au jour de la résurrection. Ici, on voit qu'Allah tabaraka wa ta'ala a créé al-qalam, la plume, et qu'il s'est adressé au qalam bi kalamin haqiqi, et que la plume a répondu et a entendu. Na'am. فَتَبَارَكَ اللَّهُ أَحْسَنَ الْخَالِقِينَ. Allah subhanahu wa ta'ala est parfaitement omnipotent et capable de faire comprendre la plume à la plume c'est dit et de lui permettre de lui répondre. Mais avant cela, quelle est la première créature qu'a une des versions du hadith laisse entendre que la première chose créé est al-qalam. Car ce hadith a été rapporté: inna awwala ma khalaqa Allahu al-qalama. Donc bi fath al-mim, et donc à ce moment-là awwala ce sera un zarf pour la première explication. Inna awwala ma khalaqa Allahu al-qalama. Ou bien ismu inna, donc el qalama sera le maf'oul bih, ou bien el qalama c'est ismu inna et khabaruha c'est el qalamu. Donc soit on dit qu'el qalam à la fin il y a une fatha, soit on dit qu'il y a une dhamma. Cela a été rapporté, cela également a été rapporté. En quoi cela nous intéresse? Ça nous intéresse car ça va affecter le sens. Le i'rab, l'étude grammaticale, l'étude de la fin du mot, va affecter le sens. Donc, un des sens est de dire: Amara Allahu al-qalama an yaktuba 'inda awwali khalqi. Le premier sens, et c'est le plus apparent, est de dire que la première chose qu'Allah a ordonné au qalam lorsqu'il l'a créé, c'est d'écrire. Est-ce que de cette phrase on pourrait comprendre que c'est la première créature? Non. Mais que lorsqu'on parle de premier, on fait référence à quoi? Hein? Au premier ordre. À la première chose qui lui a été ordonnée après sa création. Est-ce que c'est wabah? Voici l'explication. Donc la première chose qu'on ordonna au qalam après l'avoir créé est écrit. Voici le sens du hadith. Naam, voici le sens du hadith. L'autre version est de dire que la première chose créée est al-qalam. La première chose créée est al-qalam. Et pour ce second avis, les savants ont dit que l'explication est que parmi les premières choses créées dans notre univers, na'am, en rapport avec nous, comme le ciel, la terre et ainsi de suite. Non pas la première créature de la création. Non pas la première créature de la création. Idhan al-awwaliyya huna nisbiyya. Le début, la première chose, c'est relatif. C'est pas la première chose parmi l'ensemble des créatures. C'est pas la première chose parmi l'ensemble des créatures. Wa innama huwa al-awwal. أول المخلوقات مما له اتصال بهذا العالم المشاهد. C'est la première chose créée parmi les choses qui ont un rapport avec notre univers. Les choses desquelles on peut témoigner comme le ciel et la terre et ainsi de suite. Pourquoi est-ce que les savants disent cela? Car nous avons des textes explicites qui nous montrent que lorsque Al-Qalam a été créé, il y avait déjà quoi? Al-Arsh. Et même quoi? Al-Ma. Naam. Il y avait déjà Al-Arsh. Et il y avait déjà Al-Ma. Comme cela nous est rapporté dans ce Sahih Muslim. كتب الله مقادير كل شيء قبل أن يخلق السماوات والأرض بخمسين ألف سنة وعرشه على الماء. Car on trouve dans un hadith authentique, عند مسلم, dans ce Sahih Muslim, que le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit qu'Allah a écrit la prédestination de toutes choses avant de créer les cieux et la terre, 50 000 ans avant de créer les cieux et la terre, alors que son arsh, son trône, était sur l'eau. Qu'est-ce qu'on tire de ce hadith? Que lorsque le qalam a été créé, il y avait déjà quoi? El-arsh, et même el-ma, et même l'eau. C'est clair? Donc, on peut dire de manière catégorique que l'arche a été créée avant le qalam. Que l'arche a été créée avant le qalam. Et plus encore, nous disons Inna Allah lam yazal khaliqan wa lam yakun mu'attilan 'anil fi'l thumma khalaq. On dit même qu'Allah Azza wa Jal de tout temps a eu l'attribut de la création. Et on ne dit pas qu'il n'a pas créé pendant un long moment et ensuite il s'est mis à créer. Naam. Allah Azza wa Jal de tout temps a créé. Avant cette créature, il y avait une créature. Avant celle-ci, il y avait celle-ci. Avant celle-ci, il y avait celle-ci. Subhanahu wa ta'ala. Et comme a dit Ibn al-Qayyim rahimahullahu ta'ala dans son poème, والناس مختلفون في القلم الذي كتب القضاء به من الديان هل كان قبل العرش أو هو بعد قولان عند أبي العلا الهمذان والحق أن العرش قبل لأنه قبل الكتابة كان ذا أركان دونك الشاهد والحق أن العرش قبل Ibn Qayyim nous dit que l'arche, donc il y a une divergence, mais que l'arche, en réalité, a été créé avant. Allah subhanahu wa ta'ala lui a donné un ordre. قال له اكتب القائل هو الله والمخاطب الكلام القلم عفو. Donc celui qui a parlé, qui a donné l'ordre, c'est Allah. Et celui qui a reçu l'ordre, c'est القلم, c'est la plume. Et dans le Coran, on trouve que parmi des choses inertes, bien le jamadat, Allah Azza wa Jal leur a parlé, ils ont répondu. Allah Azza wa Jal a parlé et ils lui ont répondu. Comme dans Sourate Fussilat, ثُمَّ اسْتَوَى إِلَى السَّمَاءِ وَهِيَ دُخَانٌ فَقَالَ لَهَا وَلِلْأَرْضِ اِتِيَا طَوْعًا أَوْ كَرْهًا قَالَتَا أَتَيْنَا طَائِعِينَ. Allah Azza wa Jal a ordonné à la terre et au ciel de venir de plein gré ou non. Et ils ont répondu, ils ont tous répondu, nous venons de plein gré. Naam. Donc Allah Azza wa Jalla, lorsqu'il ordonne al-jamada, donc ces créatures même inertes, elles comprennent et elles répondent. elles se soumettent. Naam. Il y a un autre exemple, mais qui ne me revient pas en tête. Naam. Al-Qalam a répondu, Rabbi, ô mon Seigneur, Mada Aktub, qu'est-ce que j'écris? Qu'est-ce que j'écris? Qal Aktub maqadir kulli shay hatta taqum as-sa'a. Ô mon Seigneur, qu'est-ce que j'écris? Écris tout ce qui sera, tout ce qui a été prédestiné jusqu'au jour de la résurrection. Donc, nous disons que tout est écrit jusqu'à Yom Al-Qiyam. Tout est écrit jusqu'à ce moment-là. Allah Azza wa Jalla a voulu que tout soit écrit, mais pour jusqu'à un moment précis, c'est Al-Qiyam, jusqu'au jour de la résurrection. Tout sans exception. Est-ce qu'on comprend de ce texte que Al-Qalam ya'lam ilm al-ghayb? Est-ce qu'on doit comprendre que Al-Qalam, la plume, connaissait les choses de l'invisible et le futur? Oui ou non? Allah Azza wa Jalla nous dit qu'il n'y a que lui qui connaisse. Mais elle a écrit ce qu'Allah Azza wa Jalla lui a ordonné. Elle s'est soumise à l'ordre d'Allah subhanahu wa ta'ala. Puis, ce sahabi, radiallahu anhu, a rattaché l'essence de son fils à la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il ne s'est pas tué ainsi. Et il lui a dit, j'ai entendu le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. Et c'est ainsi qu'il convient de faire. Lorsque tu dis à une personne, sous ta responsabilité de faire telle chose ou telle autre, dis-lui car le prophète sallallahu alayhi wa sallam l'a faisait, car le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a dit, car il nous a enseigné, car il nous a ordonné. هذه التربية الناجحة. Voici la meilleure éducation que tu puisses donner. Al-Qiyam, la résurrection a été appelée ainsi, car c'est le jour où les gens vont se lever et comparaître devant le Seigneur des mondes. Comme Allah Azza wa Jalla dit dans le Coran, Yawma yaqumu an-nasu li rabbil alamin. Le jour où les gens devront comparaître, se tiendront debout devant le Seigneur des mondes. On a aussi appelé Al-Qiyam, donc pour trois sagesses, pour trois raisons. La première, c'est que les gens vont comparaître et se tenir debout devant Allah subhanahu wa ta'ala le jour de la résurrection, le jour des comptes. Deuxièmement, car les témoins devront comparaître. Yawma yaqumu al-ashhad alladhina yashhaduna lir-rusul wa li-umamihim. Ceux qui témoigneront pour les prophètes et pour maza leur peuple. Qala Allah inna lanansuru rusulana walladhina amanu fil hayati ad-dunya wa yawma yaqumu al-ashhad. Allah azza wa jalla nous enseigne dans le Coran qu'il secourt maza ses messagers et ceux qui ont cru dans ce bas monde. Et le jour où les témoins comparaîtront. Et troisièmement, les qiyam al-adl, car la justice sera maza effective ce jour-là. Qala Allah subhanahu wa ta'ala wa nadha'u al-mawazin al-qisṭa li yawm al-qiyamah. Allah azza wa jalla dans sourate al-anbiya nous dit que la balance sera mise pour la justice ce jour-là. Reviendra la traduction dans Sourate Al-Anbiya, le verset 48 ou 47. Puis l'auteur nous cite une autre riwaya, inda Ahmed. L'auteur, rahimahullah ta'ala, nous cite une autre version. Avant cela, on voit ici l'éducation du père de son fils et la douceur dans la transmission du ilm et que talibul ilm mabniun ala rahma, et que la science repose sur la miséricorde, sur la pitié, sur la douceur. D'où est-ce qu'on tire cela? Comment est-ce qu'il l'a appelé? Ya bunay. Et dans cela, il y a de la douceur, il y a de l'affection. Donc la base, c'est que la science est transmise et elle repose sur, en reposant sur quoi? Sur la miséricorde, sur la douceur. Et on voit l'enseignement de la famille, particulièrement les choses ayant trait à la croyance. Ensuite, que un des points les plus importants dans le qadar est le fait de savoir que ce qu'Allah veut se réalise, ce qu'il ne veut pas ne se réalise pas. Donc ce qui t'a atteint ne pouvait t'éviter. Ce qui ne t'a pas atteint ne pouvait le faire. On voit qu'Allah Azza wa Jalla a créé la plume et qu'elle a écrit toute chose. C'est le deuxième point dans les degrés du destin. Et on voit que toute chose a été écrite jusqu'au jour de la résurrection. Et on voit l'iman bil qadar. On voit la foi au destin bon et mauvais. On voit le fait d'utiliser comme preuve la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam, la révélation. Et dans cela, il y a une grande faille. Quand tu dis l'ordre ou l'interdit ou le point à avoir comme croyance, rattache tes paroles aux arguments irréfutables, al-wahy, la révélation. Et dans cela, il y a plusieurs fawaïd. Ta hujja sera qawiyya, ton argumentation sera forte. Deuxièmement, tu vas éduquer ton enfant, tu vas éduquer la personne à prendre en tant que guide et imam le prophète sallallahu alayhi wa sallam, celui qui ne peut se tromper. Troisièmement, tu vas l'éduquer à aimer le prophète sallallahu alayhi wa sallam plus que tout le monde. Donc dans sa vie, lorsqu'il sera dans une situation où des gens feront une chose et que le prophète aura fait une autre, il va rester accroché sur la sunna. Et quand on va lui dire oui mais un tel a dit, oui mais un tel a dit, il dira walakin ar-rasul sallallahu alayhi wa sallam qala kada, walakin ar-rasul sallallahu alayhi wa sallam lam yaf'al kada, walakin sunnat rasulillah sallallahu alayhi wa sallam kada. Quand on lui dira oui mais un tel a dit, oui mais dans telle mosquée ils font comme ça, oui mais tel chéri, il dira oui mais le prophète sallam nous a enseigné ça, oui mais le prophète sallam n'a pas dit cela, oui mais le prophète sallam nous a interdit cela, wa hakad yathbut Kajibal al-Rawas, il sera-t-elle une montagne fermement ancrée. Par contre, les autres, ceux qui ont été éduqués sur la taqli, le suivi aveugle, le fait de ne pas revenir au texte, on lui dira, oui, mais l'imam Intel a dit cela. Il ne saura plus comment se comporter dans sa religion. Il ne saura plus comment faire. Alors que sahib al-sunnah al-muttabi'a, l'al-mubtadi'a, revient au texte, il revient au Coran, il revient à la Sunna. Il ne considère pas comme une divergence la parole du prophète et la parole d'autre que le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Toute chose jusqu'au jour de la résurrection. Ô mon fils, je réitère cette belle appellation, Ya Bunay. Et pour une fille, Ya Bunayya. J'ai entendu le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam dit, celui qui meurt en suivant une autre voie, une autre croyance, que celle-ci n'est pas des miens. Celui qui meurt sans avoir la croyance au destin, n'est pas des miens. Donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam se désavoue de celui qui n'a pas la bonne aqidah, de celui qui meurt sans al-iman bil-qadar, sans avoir eu la foi au destin. Pourquoi cela? Car celui qui renie le destin, c'est un kafir. Car celui qui renie le destin, c'est un kafir. Puis il nous cite la seconde riwaya dans une version de Ahmed, de l'imam Ahmed, rahimahullah ta'ala, au tout début, Allah a créé la plume, le qalam. Puis il a dit écrit. Elle a écrit alors tout ce qui va se passer jusqu'au jour de la résurrection. Fisanadihi Ayyub ibn Ziyad al-Himsi lam yuwaffiqhu illa ibn Hibban. في هذه الرواية زيادة على ما سبق وهو امتثال القلم لأمر الله عز وجل. Pourquoi est-ce que l'auteur a cité cette version du hadith? Car il y a une information en plus. C'est quoi? C'est la soumission du qalam. C'est que le qalam a écrit tout ce qui sera jusqu'à Yom al-Qiyamah. Du premier hadith, de la première version, on le tire. Bil mafhoum, on sait qu'il s'est soumis, bien évidemment. Mais avec cette deuxième version, c'est de manière explicite que cela a été dit. La version suivante, dans la version d'Ibn Wahb. Ibn Wahb, huwa Abdullah ibn Wahb, ibn Muslim, al-Misri, al-Thiqah, al-Faqih, sahibu al-Imam Malik, rahimahumullah. Il est né en l'an 125 et il est décédé en l'an 197. Ibn Wahb, sunam Abdullah. Dans cette version, rawu fi kitabihi al-Qadar, فَمَنْ لَمْ يُؤْمِنْ بِالْقَدَرِ خَيْرِ وَشَرِّهِ أَحْرَقَهُ اللَّهُ بِالنَّارِ. Donc dans la version d'Ibn Wahb, le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a dit: celui qui ne croit pas au destin bon ou mauvais, Allah le brûlera par le feu. Aïe fi jahannam. Fi jahannam, iyadan billah. Donc celui qui ne croit pas au destin bon et mauvais. Nisbatul khayri wa shar huna nisbatun ila ma yaqa'u wal muqaddar ay al maqdi. Donc ici, lorsqu'on parle de bon et mauvais, je répète, ça concerne la chose, pas le décret d'Allah Azza wa Jalla en soi. Tout ce qu'Allah fait, c'est un bien, mais la chose créée, la chose décrétée, elle, ça peut, il peut y avoir un bien dedans, il peut y avoir un mal. Par exemple, la maladie. C'est une chose qui te convient ou ne te convient pas. C'est une chose que tu aimes ou que tu n'aimes pas. C'est une chose que tu n'aimes pas. Donc c'est un mal. D'accord. Tout le temps que tu perdais, quand tu es tombé malade, tu t'es rendu compte de quoi? De la ni'ma, du temps et de la ni'ma de la santé. Ainsi, lorsqu'Allah Azza wa Jalla te guérit de cette maladie, tu reviens vers Allah, tu redoubles l'effort et ainsi. Quand tu étais en bonne santé, tu étais loin d'Allah Azza wa Jalla. Quand tu es tombé malade, tu te rappelais que tu es faible et que sans Allah Azza wa Jalla, tu ne peux rien faire. Donc de ce point de vue-là, c'est un bien. Il y a un bien qui découle de ça, il y a une sagesse derrière. Al-bid'a wal-kufr, c'est un mal. Al-kufr wal-bid'a, c'est un mal. Non? La mécréance, l'innovation, la désobéissance. Mais avec ça, il y a l'amr bil ma'ruf wa nahy anil munkar wa al-musara'a bayna al-haqq wa al-batil. Mais du fait qu'il n'y a pas que du bien, il y a aussi du mal, ben on connaît la valeur du bien, on connaît la valeur des gens du bien. Si tout le monde était bien, on n'aurait pas connu cette valeur. Deuxièmement, ça fait qu'on recommande le bien et on blâme et proscrit le mal. Et ça, c'est aimé chez Allah. Le fait qu'on fasse da'wah, le fait qu'on appelle les gens bien, le fait qu'on mette en garde les gens contre le mal, ça, c'est aimé chez Allah. Na'am. Le fait qu'on fasse des efforts pour rester ferme sur le haqq, sur la vérité, sur la sunna, sur le tawhid, ça c'est aimé chez Allah. Donc, c'est du mal, mais derrière ça, il y a une sagesse. Certaines personnes, lorsqu'elles tombent dans le péché, ça leur apporte plus de bien que certaines personnes qui ont fait énormément de bonnes actions à la suite. Comme on l'avait lu dans le Wabil Sayyid, Ibn Qayyim rahimahullah ta'ala. La personne fait une bonne action, une seconde, une troisième, elle ne voit que ses bonnes actions. Jusqu'à ce qu'elle s'étonne de sa propre personne. Jusqu'à ce qu'elle se vante chez Allah de ses bonnes actions. Jusqu'à ce qu'elle se voit meilleure que toutes les autres personnes. Alors Allah Azza wa Jalla annule ses actions. Alors Allah Azza wa Jalla déteste cette personne. Allah Azza wa Jalla la fait entrer en enfer. Iyadan billah. Na'am. Alors que l'autre personne est dans le bien, mais c'est alors qu'elle tombe dans un péché. Elle tombe dans un péché et elle remarque ce péché. Alors ça brise cette personne. Et le bien qu'elle pensait d'elle-même disparaît. Elle se rend compte de sa nature, c'est qu'elle est pécheur. Elle est faible, sujette à l'erreur. Elle a honte. Elle n'accepte plus les éloges des gens. Elle se repent, elle fait beaucoup d'istighfar, retourne vers Allah Azza wa Jal et a honte du bien qu'on dit d'elle. Car elle sait qu'elle est faible chez Allah Tabaraka wa Ta'ala et que les gens n'ont penché vers elle que car Allah Azza wa Jal l'a couvert, a couvert ses péchés. Wallahu musta'an. Elle ne cesse d'avoir ce péché entre ses deux yeux. Elle ne cesse d'avoir ses péchés entre ses deux yeux. Se diriger vers Allah Azza wa Jal, de lui demander pardon, juste il y en a un point où ce péché devient la cause de nombreuses bonnes actions qui au final lui vaut le pardon d'Allah Azza wa Jal par sa grâce et son paradis. Donc voici un mal, mais derrière cela il y avait beaucoup de sagesse et les exemples sont nombreux ici. Pourquoi est-ce qu'on nous dit que celui qui meurt en suivant une autre voie, et en laissant croire plutôt au destin, bon ou mauvais, Allah le brûlera par le feu. Allah le brûlera par le feu. لِأَنَّ مَنْ لَمْ يُؤْمِنْ بِالْقَدَرِ خَيْرِهِ وَشَرِّهِ فَلَيْسَ بِمُؤْمِنْ فَلَيْسَ بِمُؤْمِنْ وَالْكَافِرُ مَأْوَاهُ النَّارُ وَبِئْسَ الْمَصِيرُ. Car celui qui ne croit pas au destin bon et mauvais n'est pas croyant. Et celui qui n'est pas croyant, c'est un kafir. Et le kafir, sa destination, c'est Jahannam, c'est l'enfer. Donc certes, il sera brûlé par le feu. عَذَنَ اللَّهُ وَإِيَّاكُمْ مُنَاسَبَةُ هَذِي الْأَثَرُ أو هذا الأثر للباب وجوب الإيمان بالقدر والتحذير من إنكاره وكفر من أنكره. Donc l'auteur rahimahullah ta'ala a cité ces textes sous ce chapitre, car on y voit l'obligation de croire au destin, qu'il soit bon ou mauvais, et la mise en garde contre le fait de renier le destin, tout comme on y voit le jugement de celui qui renie le destin d'Allah Azza wa Jal, yakfur. Ce qu'on peut tirer de ces textes, وجوب الإيمان بالقدر الوعيد الشديد المترتب على إنكار القدر والمترتب أو الذي يترتب على إنكار القدر إثبات القلم والكتابة للمقادير إلى قيام الساعة ملاطفة الأبناء بالموعظة شاهد يا بني. On tire de ces textes la menace à l'encontre de ceux qui renient le qadar et leur jugement. On affirme que la plume a été créée, qu'elle a écrit tout ce qui sera jusqu'au jour de la résurrection. Le fait d'être doux envers les enfants lors de l'enseignement et de manière générale, de les appeler par des noms qui adoucissent leur cœur. Certains appellent leurs enfants comment? Ça, je ne connaissais pas. Il répète. Ifrit. Les petits diables, ou des choses comme ça. Ça y est. Si tu dis de l'enfant au quotidien, c'est un ifrit. Quel bien y aura dans cela pour qu'ils viennent vers le khayr et ainsi de suite. Il y en a qui appellent leurs enfants, kaza, ta'al, non, il ne parle pas en français, viens là. Alors, il ne parle pas en arabe, viens là, toi, et ainsi de suite. Comme s'il n'avait pas de nom. Aqal shay, au minimum, appelle-le par son prénom. C'est toi qui l'as choisi. Ou tu as laissé cela autre. Non. Donc, à la base, c'est que tu aimes son prénom, c'est toi qui l'as choisi. Sauf si tu as été forcé. Non. On ne va pas dire par l'épouse pour maintenir la force d'homme, mais on va dire par les parents pour montrer Birrul Walidayn. Non. Comme ça, à notre époque, ceci a diminué, ceci a augmenté. Mada. Donc, au minimum, appelle-le pas. Et il n'y a pas de mal à consulter son épouse ou à donner, il y a un nom, à laisser l'épouse choisir. Chez nous, le troisième enfant, c'est la femme qui choisit. Quand j'ai chez nous, c'est chez les Soninke. Hein, Mohamed Yadrak. Naam, le troisième, c'est la femme qui choisit. Ça, c'est chez nous, quand j'ai chez nous, chez eux. Naam, amma chez nous, c'est tout vu. Voyez. Mais Inch'Allah, on va essayer de consulter. T'as combien d'enfants, Mohamed? T'as combien d'enfants? Deux? Allahu Akbar. Le troisième, ça va faire une heureuse, Inch'Allah. Et le premier garçon, il porte le nom du père. Le premier garçon, là vous rigolez, tous les noirs rigolent. Le premier garçon, c'est le nom du... Tu veux, t'as pas besoin de longtemps, longuement réfléchir. Naam, tu vois, c'est chez des Africains ou bien chez des Maliens ou autres. Le premier, c'est le nom de son père. Et la première, c'est le nom de qui? De sa mère. Après les autres, Allahu A'lam, comment ils... Comment ça se passe? Comment ça se passe? Ah, j'ai oublié. Devant le nom du premier garçon, il y aura Ba. Papa un tel, père un tel. Et devant la fille, il y aura Ma. Ça veut dire quoi? Ça veut dire maman. Donc, maman une telle et papa un tel. Ça, c'est les premiers. D'accord? C'est presque obligatoire. Naam, c'est presque obligatoire. Moi, j'ai eu une... comment on dit ça? Une dérogation. Une permission exceptionnelle. Non sans mal. Ensuite... Les autres fois, on les a déjà cités avant. Qu'est-ce qu'on peut ajouter? Dans l'éducation des enfants. Dans l'éducation des enfants, le fait de rattacher cela au texte religieux. Le fait de rattacher cela au texte religieux. De les éduquer au suivi du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Tu lui dis par exemple, fais telle chose. Tu sais que le prophète, sais-tu que le prophète sallam aimait beaucoup telle chose? Sais-tu quelle est la parole préférée du prophète sallam? Il va te dire non, tu lui dis kada wa kada. Il dit moi j'aime le prophète sallam et toi tu l'aimes aussi? Il va dire oui, moi aussi je l'aime. Parce que toi tu l'aimes, ton fils va l'aimer. Et ça va le pousser à dire telle parole, telle parole, telle parole, telle parole. Wa hakada. Naam, il va grandir, il aimera énormément le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Contrairement à ce que font certaines personnes en éduquant leurs enfants, sur l'amour des joueurs de foot, sur l'amour des chanteurs, des acteurs et ainsi de suite. Subhanallah. Wallahi que nos enfants ne connaissent pas le nom d'un seul footballeur. Je ne serais pas capable moi de te donner le nom de la moitié de l'équipe d'une équipe de foot. Naam. Des enfants qui ne sont même pas encore pubères, qui ne connaissent même pas peut-être l'alphabet en français, peuvent te citer plein de noms de plusieurs Maza, comment on dit ça, footballeur du championnat. Naam. Puis, lorsque tu lui demandes le nom des gens de la famille du prophète sallam, il n'est pas capable de te répondre. Il n'est pas capable de te répondre. Quand tu lui demandes une petite sourate, il n'est pas capable de te répondre. Il sait dire papa, maman, manger, malade, les mots comme ça. Hein? Subhanallah. Wallahi, on a vu des enfants qui ne savaient pas encore bien parler, ils avaient déjà commencé à apprendre le Coran. On a vu des enfants, leur premier mot c'était Allah, Allah, Allah. Et ils montraient du doigt le ciel, l'aqidah que ulama al-azhar et ulama al-bida' n'ont pas su. Subhanallah. Hein? Illa man rahimahullah. Sauf ça qu'Allah Azza wa Jalla a fait miséricorde. Puis l'auteur rahimahullah ta'ala me dit wa fil musnad wa sunan fil musnad ay musnad Ahmad rahimahullah ta'ala wa sunan أبي داود وابن ماجة رحمهم الله عن ابن الديلمي قال أتيت أبي بن كعب فقلت في نفسي شيء من القدر فحدثني بشيء لعل الله يذهبه من قلبي فقال لو أنفقت مثل أحد ذهبا ما قبله الله منك حتى تؤمن بالقدر وتعلم أن ما أصابك لم يكن ليخطئك وما أخطأك لم يكن ليصيبك ولو مت على غير هذا لكنت من أهل النار قال فأتيت عبد الله بن مسعود وحذيفة بن اليمان وزيد بن ثابت فكلهم حدثني بمثل ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم حديث صحيح رواه الحاكم في صحيحه dans le musnad c'est-à-dire de l'imam Ahmad ou as-sunan les recueils de hadith c'est-à-dire d'Abu Daoud et d'Ibn Majah Ibn Daylami سنم عبد الله ابن فيروز ثقة من كبار التابعين dit je suis parti voir Ubay ibn Ka'b le grand savant du Coran Ubay ibn Ka'b c'est un savant du Coran un des grands savants du Coran du temps du prophète sallallahu alayhi wa sallam au point une qissa يعني عجيبة جدا subhanallah مؤثرة Lorsque le prophète sallallahu alayhi wa sallam a resté suratul bayyinah, lam yakun alladhina kafar. Puis il est parti voir Ubay ibn Ka'b. Vous savez ce qu'il lui a dit? Inna Allah amarani an aqra'a 'alayka lam yakun alladhina kafar. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam est parti voir Ubay ibn Ka'b et lui a dit Allah m'a ordonné de te réciter surat al-bayyinah. Alors Ubay ibn Ka'b radiyallahu anhu a dit Awa sammani Allah bismi Est-ce que Allah t'a cité mon nom Est-ce qu'Allah m'a cité moi Qala na'am Fabaka Ubay Le prophète sallam a dit oui Alors Ubay s'est mis à pleurer Ubay s'est mis à pleurer Yani ta'ajuban wa farahan Il s'est réjoui qu'Allah azza wa jalla Rabbul alamin cite son nom C'est son nom. Subhanallah. Karamun azim jiddan. Khayrun min ad-dunya wa ma fiha. Quel honneur. Qu'Allah le Seigneur des mondes te parle de toi, te cite. À qui? À la meilleure des créatures. Pour te transmettre quoi? La meilleure des paroles. Al-Qur'an al-Karim. Fala ilaha illallah. Makanat Ubay ibn Ka'b. Qu'est-ce qu'il y a un fils qui l'a appelé Ubay? Qu'est-ce qu'il y a un fils qui l'a appelé Ubay? Personne parmi vous a appelé son fils Ubay? C'est un beau nom. Hein? Naam. Sans vouloir mettre de problème chez vous. Donc, il a dit à Ubay, Ibn Ka'b radiallahu anhu, j'ai quelques doutes concernant le destin. J'ai quelque chose en moi concernant le destin. C'est-à-dire, probablement qu'il a entendu parler de la fitna du qadar des innovations qui sont sorties sur le destin que certaines personnes ont renié le destin ainsi de suite donc ça lui a mis des doutes dans le cœur, dans la poitrine dis-moi une parole afin qu'Allah efface cela de mon cœur dis-moi une parole afin qu'Allah efface cela de mon cœur hakada yanbaghi lil insan أو هكذا يجب على الإنسان إذا أصاب بما إذا أصيب بمرض أن يذهب إلى الأطباء وأطباء القلوب هم العلماء et c'est ainsi qu'il convient de faire lorsque la personne est malade elle sera un médecin hein elle va chez le médecin qui sont ceux qui soignent les cœurs par la permission d'Allah Azza wa Jal les ulama c'est les savants où vont les médecins lorsqu'ils sont malades lorsqu'ils ont des problèmes dans leur dîn Et le malheur qui le touche, ils vont voir les ulama. Naam. Ceux qui, par la permission d'Allah Azza wa Jal, dissipent les shubuha, amradul quloub, al-shahawat, soit les maladies des passions, les maladies des ambiguïtés, ce sont les ulama. On tire de cela que l'habitude des salafs était de revenir ulama lorsqu'ils avaient des problèmes dans la croyance ou autres. Et c'est ainsi que doivent se comporter même les étudiants, même les imams, même les personnes qui ont un peu de science. Lorsqu'ils ont un problème, ils doivent revenir aux ulama afin qu'ils les orientent. Et particulièrement là, de gros problèmes qui touchent la communauté. Ce n'est pas toute personne qui a le droit de s'avancer, même ceux qui, parmi ceux qui ont la science. On doit revenir aux grands savants. Et c'est ce qu'a fait cet homme, il est revenu au savant, du Coran. Ubay radiallahu anhu lui a dit, donc il m'a répondu, si tu dépensais l'équivalent de la montagne de Uhud en or, Allah n'accepterait pas de toi jusqu'à ce que tu croies au destin. Et que tu saches que ce qui t'arrive ne peut t'éviter, et que ce qui ne doit pas t'attendre ne peut t'arriver. Et si tu meurs en suivant une autre voie, donc que la foi, que la aqida sahiha, la foi au destin, donc une autre voie que celle-ci, tu feras partie des gens du feu. Pourquoi est-ce que tu feras partie des gens du feu? Car celui qui ne croit pas en un des points du destin, un des points de la foi, un des piliers de la foi, n'est pas croyant. Et celui qui n'est pas croyant, sa destination sera l'enfer, iyadan billah. Donc on tire de cela que celui qui ne croit pas au destin, c'est un kafir. C'est pour ça que Ubay jazama bi hadha al-hukm. Donc ce remède lui a été profitable. Il lui a montré le jugement de celui qui ne croit pas au destin. Il lui a montré le jugement de celui qui ne croit pas au destin. Et sa finalité. Donc, fi dunya, tu sors de l'islam, on n'accepte pas ses actions. Et fil akhirah, sa destination sera l'enfer. Il n'aura pas d'autre demeure si ce n'est l'enfer. Cet homme, Abdullah ibn Daylami, par la suite, nous dit, ensuite je suis parti voir Abdullah ibn Saoud, Hudhayfa ibn al-Yaman, Zayd ibn Thabit, chacun d'entre eux m'a rapporté les mêmes propos que Ubay. C'est-à-dire que rien ne sera accepté de toi tant que tu n'auras pas foi au destin bon et mauvais. Tant que tu n'auras pas la certitude que ce qui t'a touché ne pouvait t'éviter, que ce qui ne t'a pas touché ne pouvait t'atteindre. Et que celui qui meurt sans cette croyance-là fera partie des gens du feu. Tous les sahabas qui l'aient et parti voir font partie des savants du Coran. Font partie des savants du Coran. Kaza qala ibn Atim rahimahullah ta'ala. On voit ici qu'il n'y a pas de mal, après avoir posé la question à un savant, à aller demander à d'autres pour soit tranquilliser son cœur ou pour être sûr. Non, pour être sûr. Par contre, celui qui fait cela, il cherche les excuses auprès des savants, il cherche un autre avis qui lui conviendrait mieux. Alors cela ne fait pas partie de la voie des croyants. Haram. D'accord? Tout comme ceux qui appellent un savant, le savant lui dit une réponse. C'est pas ce qu'il voulait entendre. Alors il appelle un autre savant pour avoir quelque chose de différent, pour utiliser cet audio à mauvais escient. Pour utiliser cet audio à mauvais escient. Comme certains frères, Allahu wa iyyahum, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont appelé un savant pour le questionner sur une personne. Le savant a dit du bien de lui. Il a dit, mais Ahlus Sunnah ala khayr. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont appelé un autre savant. Mais ce savant-là avait su qu'ils avaient appelé tel autre savant. Il leur a dit, c'est vous qui avez appelé un tel? Et ils ont dit oui. Ils se sont mis à bégayer. Non. Ils cherchaient des choses. Ou bien ils appellent un savant, ils disent, Yachir, on a demandé à Shir un tel, il a dit ça à toi, qu'est-ce que tu dis? Non. C'est comme s'il voulait dicter au Shir sa réponse, comme s'il voulait faire pencher le Shir vers la réponse. Ou bien il pose une question, il dit, oui Shir, tu sais, moi j'ai telle situation, et j'ai tel problème, et en plus, Yani, il dit tout pour que le cheikh lui dise telle réponse. Naam. Ces choses-là ne font pas partie des habitudes des gens pieux. Ces choses-là ne font pas partie des habitudes des gens pieux. Wallahu musta'an. مناسبة ذكر الآثر في الباب بيان أن الإيمان بالقدر أمر حتم وأنه هو الذي رواه الصحابة عن نبيهم صلى الله عليه وسلم. L'auteur a cité ce texte pour nous montrer l'obligation de croire au destin et que c'est ce qu'ont rapporté les compagnons de leur prophète صلى الله عليه وسلم. Ce qu'on tire de ce texte, la menace adressée à ceux qui n'ont pas foi au destin, parce qu'on n'accepte rien d'eux, et s'ils meurent sur cela, ils n'auront qu'une part dans l'au-delà. Le fait de questionner les savants lorsque nous sommes dans une situation problématique, particulièrement dans la croyance. On trouve des gens qui posent beaucoup de questions dans le commerce, dans le mariage, dans ça. Ils ne posent pas des questions sur l'aqid, sur la croyance qu'il convient d'avoir, puis sur l'ibadat, sur l'wudu, sur la purification, sur la salat, sur la zakat, et ainsi de suite. Puis lorsqu'il y a une khutba sur la zakat, des dizaines de personnes viennent te voir et te disent « J'ai pas sorti la zakat depuis 5 ans, j'ai été insouciant, j'ai été kaza wa kaza wa kaza, subhanallah. » Alors qu'il n'est pas insouciant de son commerce. Hein? Faut faire attention, faut poser les questions les plus importantes, faut commencer par les questions les plus importantes. Tout ce dont on a besoin, nous avons besoin, on le demande, mais il faut accorder plus d'importance à la croyance. Cheikh Salah al-Fawzan, hafidhahullah ta'ala, nous cite une très belle information tirée du hadith. Qala, hafidhahullah ta'ala, anna min wazifati al-ulama kashfa al-shubuhati ونشر العلم بين الناس. Le grand savant Salih Fawzan Hafidhahullah Ta'ala dit, on tire de ce texte que parmi le rôle des savants, le fait de découvrir, de dévoiler et de mettre fin aux ambiguïtés. De mettre fin aux ambiguïtés et de répandre et propager la science entre les gens. Subhanallah. Où sont ceux qui disent il faut se taire, il ne faut pas parler de ça? C'est quoi ça? C'est le shirk, c'est le bid'ah. Wa ahl al-shirk wa al-bid'ah. Et ainsi de suite. Ils disent non, il ne faut pas parler, par exemple, des marabouts, ça divise, il ne faut pas parler des tombeaux, ça divise, il ne faut pas parler de Bida'a, Sofiya, Tijaniya, et ainsi de suite, ça divise, il ne faut pas parler de telle chose. Non. Ici, est-ce que le Sahabi a dit, non, il ne faut pas parler de la croyance? Là, il lui a dit la vérité et il a réfuté le mal. Ceux qui nous demandent de nous taire sur le faux, ils veulent le mal pour la communauté. Ils veulent le mal pour la communauté. Naam. Toi, si tu te rends au marché et que tu achètes des pommes et que celui qui est à côté sait que ces pommes sont mauvaises ou qu'elles ne sont pas sucrées ou ce que tu veux, il ne te le dit pas et tu achètes des kilos et par la suite tu sais qu'il savait qu'elles n'étaient pas bonnes. Tu vas lui en vouloir sur des pommes qui coûtent 1 euro d'euros. Non? Et celui qui veut te trahir dans ta religion, hein, qu'est-ce qu'on va dire alors? Hein? Il s'agit de paradis, il s'agit d'enfer. Il s'agit de sunnah, il s'agit de bid'ah. Il s'agit d'être avec le prophète sallallahu alayhi wa sallam yawm al-qiyam ou d'être éloigné de lui. Il s'agit de boire du bassin du prophète sallallahu alayhi wa sallam ou non. La mas'ala li khatira jidda. La mas'ala li khatira jidda. Ces gens-là, lorsqu'on parle sur eux, hein, ils parlent de ceux qui ont médité pendant des années. Sahih. Quand on lui fait une injustice ou une chose qu'il voit dans laquelle il voit une injustice, alors dans toutes ses assises, il dit un tel kada, un tel kada, un tel kada, un tel kada. Et quand tu fouilles, tu comprends que en fait, il lui a fait une injustice un jour. Ou une chose que lui, dans laquelle il voit qu'il a une injustice. Et subhanallah, et ensuite lorsque les gens de l'innovation et les gens du mal sont dévoilés, ils disent pourquoi tu parles sur Karbal, hein? Pourquoi tu parles sur Al-Bida'a? Pourquoi tu parles sur Al-Fitan? Pourquoi tu parles sur Antel? Hein? Pourquoi tu parles sur Sauvia? Pourquoi tu parles sur Iqwisen? Pourquoi tu parles sur Antel et Antel? D'accord. Toi, pourquoi tu parles sur Antel? Parce qu'il a ouvert une sandwicherie à côté de la tienne. Ça y est, ils sont prêts à se faire la guerre. Parce qu'il a repompé telle femme et toi tu voulais la repompé. Ils sont prêts à se faire la guerre. D'autres dans des familles parce qu'il a donné le même nom que son fils il avait. Yani que son fils a. Comme si sa propriété c'est une marque déposée. Et pour être sunnah, al-Nabawiyya, ils veulent qu'on se taise. Al-Rasul sallallahu alayhi wa sallam ahabbu ilayna min anfusina. من أمهاتنا وآبائنا وأزواجنا وذرياتنا والناس أجمعين فكيف نسكت في حقه. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, on l'aime plus que nos enfants, nos parents, nous-mêmes et tous nos biens. Comment est-ce qu'on pourrait se taire pour son haq, son droit? Et vous n'arrivez pas à vous taire pour votre commerce. Naam. Comment est-ce que vous osez nous demander de nous taire sur un haq du prophète sallallahu alayhi wa sallam, alors que si quelqu'un venait à insulter vos parents, vous serez prêt à en découdre. Peut-être avec des armes. Sahih. An-Nabi sallallahu alayhi wa sallam aghla 'indana min ummahatina. Rahimahullah. Wa ghafara Allah lahu. Wa aba'ina wa an-nas ajma'in. Fa kayfa anta la taskut في حق والدي وتطالبنا بالسكوت في حق سيد ولد آدم ما أنسفتنا. C'est injuste de ta part ce que tu nous demandes ici. L'auteur رحمه الله تعالى dans les Masail nous dit التاسعة أن العلماء أجابوه بما يزيل شبهته وذلك أنهم نسبوا الكلام إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقط. L'auteur lui-même, rahimahullah ta'ala, nous dit qu'on tire de ce texte que les savants lui ont répondu, donc les compagnons lui ont répondu, par ce qui lui retirera pleinement son ambiguïté. Pourquoi ? Ils se sont arrêtés à quoi ? Au texte du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Au texte du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Donc ce qui dissipe parfaitement les ambiguïtés, c'est la révélation. C'est la révélation. Car quand tu dis le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a dit, tu n'as plus le choix. Tu dois suivre. Comme Allah nous le dit dans le Coran, وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلَا مُؤْمِنَةٍ إِذَا قَضَى اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَمْرًا أَنْ يَكُونَ لَهُمُ الْخِيرَةُ مِنْ أَمْرِهِمْ. Il n'appartient pas à un croyant, ni à une croyante, après qu'Allah et son messager aient décidé d'une chose, d'avoir encore le choix dans leur façon d'agir. وَصَلِّ اللَّهُمَّ وَبَارِكَ عَلَى نَبِيِّنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ أَجْمَعِينَ. أسأل الله تبارك وتعالى بأسماء الحسنى وصفات العلى أن يغفر لنا ذنوبنا ويكفر عنا سيئاتنا ويتوفنا مع الأبرار. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم اغفر لي أمهاتنا. اللهم اغفر لأمهاتنا. اللهم اغفر لأمهاتنا يا غفار. اللهم اغفر لآبائنا. اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين إنك على كل شيء قدير. اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين إنك على كل شيء قدير.